fera tout seul sur la route. Un jour la traite finit par tourner la roue. Gros moteur, sport ça bombarde sur la route. Très organisé au moins tu sais, ouais force à nous. On est fait pour ça, faire de la money. Pourquoi tu fais comme ça, tu plein de money. On est fait pour ça, faire de la money. Pourquoi tu fais comme ça, tu plein de money. En bas du bâtiment, on veut tous la vita dolce. Pour ça, tu me verras plus dans la zone. Je recompte la somme dans la chambre. Me pousse nada, j'ai la source. La moula sonne, tu la sens. Tu m'en veux, on change pas de fusil d'épaule. Laisse tomber, l'équipe est organisée. Qui en veut, j'ai millions de mélos à mort. Tu savais, la paix comme tu puis la mort. Si je les écoute, ils ont braqué. C'est vendu, les mecs dans la ville, moi quand je les croise, bizarrement ils sont descendus. Le CD t'as installé, on dit, ou t'as le linge sale et tendu. Petit frère, il a grandi, il sort du j't'en récup sans tu. Je voulais gratter, faire comme les grands. Première patrouille, c'est cache d'étale. Si y'a les skis, conseille des cales, ou du moins, c'est les mystiques scales. Ça sort le clock, même pas ça discute, y'a pas de miskin. Lève-toi, c'est Chiquitaka, la Iniesta, génération TikTok. Tic-tac, le monde zigzag, big clock, couleur pistache. Austin, tout est clair. 4 mentions qui j'ta, qui s'tort pas mais qui claque. Qui t'abat le clic-clac, tu cabas la perte. Tu sais que la parole fait l'homme, que l'homme fait les loves. Les loves les rend folles ou accro. Tu sais qu'on allait dans l'angle. L'angle et la noche ça se cale au pharo. J'arrive et j'frappe fort, comme d'hab. Pas là pour tes ha, au moins tu sais. T'es vilaine mais tu t'emballes. Tu mélanges tout, c'est ça ton souci. Non c'est plus le shit qui m'adoucit. Poussez vous ça pète, non j'suis pas tout seul. Tu casses sur ta tête pour te faire ta fête. Tes microbes en fait, j'te donne un conseil. Et laisse-moi faire, quand j'suis au boulot. En commentaire tu fais le déter, te faire enculer. Les où est la taille, j'la tue au boulot. Ouais c'est Marseille, organisé comme la Squadra Azzurra. Tôt ou tard, on sera tout seul sur la route. Un jour, la traite finit par tourner la roue. Gros moteur, sport, ça bombarde sur la route. Très organisé, au moins tu sais, ouais, force à nous. On est fait pour ça, faire de la money. Pourquoi tu fais comme ça, tu plein de money. On est fait pour ça, faire de la money. Pourquoi tu fais comme ça, tu plein de money. Sur un pied à l'aise en force, c'est pas faux. Paix à domicile, je reviens à l'ancien comme en 2006. Cette fois terre, une fois debout, j'envoie du neuf comme la peuque. C'est carrément ta main. Je dis que la vie est courte et qu'il faut pas attendre que Dieu le prouve. Merci le gym, ce soir j'oublie tout. Un 3 c'est carbo, fais pas le youf. Fais pas le youf. Avant d'avoir, faut le vouloir. Passe au bon moment sans t'émouvoir. On a rien sans rien, on se croit en toi. Allez hop, faut que le chat minimum. J'allume loin, juste moi. Dites-moi qui veut jouer le mini-man. Moi je suis dans un minimum de mémoire. Moi je sais qui m'aime, minimum. Très organisé, on est là. Faut tout faire pour la mama. Y'a tout le monde pour la mala. Y'a personne quand t'as ma mal. Y'a personne quand t'as ma mal. Ça te laisse comme ça normal. Y'a personne quand t'as ma mal. Ça te laisse comme ça normal. Olivia Valère, j'fais mes bails à Marbella. Marseille, Junquera. Des terres nerveux dans le vélar. Ça bicrave le venin. Athéna, j'crois au miracle. Imprévu comme un pirate. Pas d'émotion, pas de rachma. J'veux la même que Yema. Bas les couilles d'Elvira. Elle sait pas faire le harira. Sur la ville, ma mal. Chargé dans le bolide, j'passe devant les barrages. Et Sonia, j'fais les hackages. J'ai des pulsions, des passes et macabres. Sur la vie de ma maille. Laissez-moi dans ma folie, j'gamberge toute la night. Pas de piston pour les racailles, j'veux le fiston dans l'huracan. J'ai le sang mi peu, et j'me retrouve à Saint-Loup. J'ai le boss qui compte faire, mais bon, ça sera pas à nous. Mais j'ai croisé ta tupère, ça sera fort la vague à l'ouf. On m'a dit, faut s'y faire, mais bon, ça sera pas à nous. Y'a le pot. déjà. Ça fait 6 ans que tu l'as signé. J'ai saigné mais je ne suis pas tombé là. Mon bébé je suis un mystère. Dis-toi quand je récupère l'enveloppe. Quand je rencontre tu peux du père. J'ai rendu fou qu'à coup. J'ai bu un coup, deux coups, trois coups, dix coups. J'ai rendu fou qu'à coup. J'ai bu un coup, deux coups, trois coups, dix coups. Tôt ou tard, on sera tout seul sur la route. Un jour ou l'autre, elle finit par tourner la route. Gros moteur, sport, ça bombarde sur la route. Très organisé, on met, tu sais, ouais, force à nous. On est fait pour ça. La money, pourquoi tu fais comme ça? Tu es plein de money. On est fait pour ça.